الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الكرام. أما بعد، فنجلس في مسجدنا نتفقه في دين الله سبحانه وتعالى، ونعلم رسولنا صلى الله عليه وسلم. On s'assoit ici afin d'étudier notre religion et de connaître notre prophète Muhammad صلى الله عليه وسلم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإنما العلم بالتعلم. Et le prophète صلى الله عليه وسلم nous dit: certes, la science s'acquiert de par l'apprentissage. Certes, la science s'acquiert de par l'apprentissage. Quant à celui qui fait la cause pour obtenir cette science, Allah tabaraka wa ta'ala lui accorde une énorme place fi dunya wal akhirah. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam très souvent nous a exposé les mérites de cette science. À titre d'exemple, Allah tabaraka wa ta'ala nous dit dans son livre: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. Allah élève ceux qui parmi vous ont la foi et ceux qui ont la science dans les hauts degrés. Donc plus la personne prend de la science et l'applique, plus elle emprunte le chemin du prophète sallallahu alayhi wa sallam, plus Allah tabaraka wa ta'ala l'élève dans son bas monde, l'élève dans sa tombe et l'élève yawm al-qiyamah, et il l'élève en degré fil jannah. Wa min a'zami turuqi an-najah wa ar-rif'ah la shak suluk khuta ulama'ina wa min amyaz sifatihim talib al-'ilm. Et sans aucun doute, une des choses par lesquelles Allah élève le plus son serviteur, c'est le fait qu'il suive les pas des savants, les pas des savants de Ahl Sunnah, et parmi leurs caractéristiques les plus propres, le fait d'étudier la science. Et lorsqu'on dit la science, c'est la science du Coran et de la Sunnah. Lorsqu'on dit la science, c'est la parole des imams de l'islam, en commençant par les sahaba radiallahu anhum et ceux qui les ont suivis avec excellence. Naam. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. Celui à qui Allah veut du bien, il l'instruit dans sa religion. Il l'instruit dans sa religion. Et parmi les points les plus importants en religion, ma'rifatun nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et parmi les points les plus importants en religion, la connaissance du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. À un point tel que les ulama nous disent que parmi les bases de l'islam, ma'rifatun nabi, la connaissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme l'a dit Cheikh al-Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala fi kitabihi al-usul al-thalatha, comme le grand savant Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala nous le dit dans son livre célèbre, les trois fondements. Waliyaw sa natafaqqa fi hadathin azim حصل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الهجرة الأولى. الهجرة الأولى أو هجرتان الأوليان. Et aujourd'hui, nous allons étudier un point très important de la biographie du prophète صلى الله عليه وسلم, qui est les deux premières hijra. Al-hijra, c'est l'égir. Al-hijra, c'est l'égir. Wa lughatan hajara shay'a idha tarakahu. Al-hijra, dans la langue arabe, tu dis que la personne a hajar telle chose si elle s'en éloigne, si elle la délaisse. Na'am. Wa minhu qawluhu sallallahu alayhi wa sallam: la yahillu limri'in muslim an yahjura akhahu fawqa thalath. Et on trouve en ces termes le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans lequel il nous dit il n'est pas permis, il n'est pas permis à un musulman de délaisser son frère au-dessus de 3 jours. Au-dessus de 3 jours. وَخَيْرُهُمَا الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ. Et le meilleur des deux est celui qui commence par passer le salam. Car en passant le salam, tu brises al-hajr. En passant le salam, tu brises al-hajr. Donc, pour une cause de dunya, pour une divergence avec ton frère dans dunya, tu n'as pas le droit de ne plus lui parler au-dessus de 3 jours. S'il y a un différend entre vous, tu t'es éloigné de lui 1 jour, 2 jours, 3 jours, au bout de 3e jour, tu es obligé de renouer le lien avec lui. Comment est-ce que tu renoues le lien avec lui au minimum? En lui passant le salam. En lui passant le salam. Ça, c'est pour les choses de dunya. Amma pour ad-din, pour la religion, na'am, c'est licite, c'est permis, ça peut être recommandé ou même obligatoire de faire le hajr, comme c'est le cas pour hajr al-mubtadi', na'am, ou ashab al-ahwa, comme c'est le cas pour les gens des innovations et les gens des passions, na'am, hajruhum, le fait de leur faire al-hajr, c'est pas limité à 3 jours, ou bien celui que le gouverneur aura décidé, comme ce fut le cas à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour certains parmi les compagnons et pas n'importe lesquels, comme Ka'b ibn Malik radiallahu anhu et Hilal ibn Rabi' radiallahu anhum. Ils auront fait le hajr, na'am, des dizaines et des dizaines et des dizaines de jours, non pas 3 jours. Na'am. Tayyib. Amma al-hijra fi yani shar'an hiya mufaraqatu بلاد كفر إلى بلاد إسلام لإقامة الدين. Quant à la hijra dans la religion, c'est le fait de quitter un endroit où il n'y a pas l'islam vers un endroit où il y a ou vers une terre d'islam. Na'am. Quelle est la sagesse de cela? إقامة الدين. C'est le fait d'appliquer ta religion, d'adorer Allah seul d'un culte sincère sans qu'on ne t'empêche de faire cela. Sans qu'on ne t'empêche de faire cela. وهجرة النبي صلى الله عليه وسلم الكبرى هي الهجرة من مكة إلى المدينة. Et la grande hijra, na'am, du prophète صلى الله عليه وسلم, sans aucun doute éligible, de Mecca, alors que Mecca était une terre où il y avait le polythéisme, vers Al-Madina. Na'am, ça n'est pas de cette hijra que nous parlons ici. Mais il s'agit de la hijra ila al-habasha. Il s'agit de al-hijra ila al-habasha. Al-habasha, c'est ce qui correspondrait au jour d'aujourd'hui à l'Éthiopie et ses environs. Na'am. Al-habasha, c'est ce qui correspondrait au jour d'aujourd'hui à l'Éthiopie et ses environs. Concernant al-matn, ou plutôt al-nazm, qala al-nazm, je disais souvent qala al-mu'allif. Na'am. Ceci est soit une erreur, soit c'est une imperfection. Na'am. Vu que c'est un nazm, c'est un poème, on dit qala an-nazim, comme a fait la remarque un de nos frères, jazahullahu khayra. Qala an-nazim rahimahullahu ta'ala wa rabi'un min an-nisa wa 12 min ar-rijal sahbi kullun qad hajar ila bilad al-hubshi fi khamisi 'am. وفيه عاد ثم عاد لا مال. L'auteur Ibn Abi al-Izz rahimahullah ta'ala nous dit dans ces deux vers: et 4 parmi les femmes ainsi que 12 parmi les hommes faisant partie des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam ont fait l'hijr. De quel hijr s'agit-il? Al-hijratul ula ila al-habasha. Il s'agit de la première hijra à Al-Habasha, ce qui correspondra au jour d'aujourd'hui à l'Éthiopie. Ila bilad al-Hubshi fi khamisi 'am. L'auteur nous cite vers où a eu lieu Al-Hijra. Il nous dit ila bilad al-Hubshi, ay Al-Habasha. Na'am. Puis il nous cite en quelle année a eu lieu ce grand événement dans la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il nous dit fi khamisi 'am, en l'an 5. Qu'est-ce qu'il entend par l'an 5? Lorsque les savants citent, il a qala ahlul ilm, as-sanatu kaza wa kaza, na'am, imma anna al-maqsuda yakoun min al-bi'tha, imma an yakouna min al-hijra. Lorsque les savants citent une date, ils disent par exemple 2 ans en l'an 2 ou bien 2 ans après. Ils entendent par cela une de deux choses, retenez cela. Soit ils entendent min al-bi'tha, c'est-à-dire à partir du moment où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a reçu la révélation. D'accord ? À partir du moment où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a reçu la révélation. Soit ils entendent par cela après que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ait fait l'égir de Mecca à Al-Madina. Non, de Mecca à Al-Madina. Qu'est-ce qui est voulu ici ? Fi khamisi'a, c'est ba'd al-bi'tha. C'est 5 ans après que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ait reçu pour la première fois la révélation. Wa fihi 'adu thumma 'adu. Puis il nous dit, il est dans cet endroit, de cet endroit ils sont revenus, puis ils sont revenus. Na'am. La malade, c'est-à-dire nul reproche à leur faire. Ils sont revenus, puis ils sont revenus d'où vers où? C'est-à-dire que cette hijra-là s'est répétée à 2 reprises. C'est-à-dire que cette hijra s'est répétée à 2 reprises. En d'autres termes, en l'an 5, ils sont partis à Al-Habasha. Combien est-ce qu'ils étaient? Il y avait, il faut prendre en considération le 3e vers, on y viendra, Inch'Allah Ta'ala. Il y avait 4 femmes, pour la première hijra, il y avait 4 femmes, et il y avait 12 hommes. Ils sont partis à Al-Habasha. Ensuite, ils sont revenus à Mecca. Pourquoi? C'est ce qu'on va étudier. Puis ils sont repartis à Al-Habasha. Puis ils sont repartis à Al-Habasha. C'est ce qu'entend par ces mots ici. Al-Nadi wa fihi adu thumma adu la malam. Puis il nous cite la suite qu'il faut rattacher à ce qui vient d'être lu. C'est le nombre de personnes pour la seconde hijra il al-Habasha. Il nous dit Thalathatun hum wa thamanuna rajul wa ma'hum jama'atun hatta kam. Il nous dit Thalathatun hum wa thamanuna rajul. Donc le nombre d'hommes était plus de 80, 83. Puis il nous dit, et avec eux, il y avait un groupe au point où ce nombre a été complet. Au point où ce nombre a été complet. وَهُنَّ عَشْرٌ وَثَمَانِينَ ثُمَّ قَدْ أَسْلَمَ فِي السَّادِسِ حَمْزَةُ الْأَسَدِ. Il nous dit, rahimahullah ta'ala, on ajoute à ce chiffre qu'on a cité, c'est-à-dire le nombre d'hommes, 83 hommes, on leur ajoute un nombre par lequel on aura le nombre total de ceux qui ont fait la deuxième égir à Al-Habasha. Et il nous dit, elles sont, un groupe de femmes, elles sont 10 plus 8. Donc il y a eu 83 parmi les hommes, et il y a eu Amada, il y a eu 18 femmes. Puis l'auteur, rahimahullah ta'ala, nous cite la conversion de Hamza. Puis il nous cite la conversion de Hamza, radiallahu anhu. ذكر هنا في هاتين السطرين المؤلف رحمه الناظم رحمه الله تعالى الهجرتين إلى الحبشة. Donc dans ces deux lignes, dans ces deux vers, il nous cite رحمه الله تعالى les deux premières égires. Ibn al-Qayyim رحمه الله تعالى nous cite plus précisément quand est-ce qu'a eu lieu cela. Donc on voit ici en l'an 5. Il nous dit que ça a eu lieu dans ce mois dans lequel nous parlons actuellement. Donc dans le mois de Rajab. Naam, dans le mois de Rajab. Qala makhrajuhum fi Rajab fi sanati al-khamisa. Donc ils sont sortis durant le mois de Rajab en l'an 5 min al-bi'tha. En l'an 5 après la prophétie. Après la prophétie. Pour la première hijra, ils étaient donc 16. Lorsque Mouna'adim nous dit, ثُمَّ عَادُ, ils sont revenus. حَصَلَ هَذَا فِي نَفْسِ الْعَامِ. Notez que cela a eu lieu durant la même année. Ils sont partis et ils sont revenus la même année, c'est-à-dire en l'an 5 de l'Hégire. مَا سَبَبُ رُجُوعِهِمْ بَلَغَهُ أَنَّ قُرَيْشْ أَسْلَمَتْ. Pourquoi est-ce qu'ils sont revenus? Car il leur est parvenu que Quraysh s'était converti à l'islam. Donc ils se sont dit, ils vont pouvoir désormais appliquer ce qu'Allah Azza wa Jalla leur commande, sans subir les nombreuses nuisances desquelles nous avons parlé la semaine passée. Donc ils ont entendu que la situation s'était améliorée. لكن لما رجعوا إلى مكة وقاربوها نعم وجدوا أن الأمر على خلاف ذلك على خلاف ذلك. Mais lorsqu'ils sont revenus ou lorsqu'ils se sont approchés de Mecca avant d'y entrer, ils se sont rendus compte que cela n'était que fausse rumeur. Cela n'était que fausse rumeur. Alors certains se sont arrêtés et sont revenus directement à Al-Habasha. Et d'autres sont entrés à Mecca. Et d'autres sont entrés à Mecca. Ici, on dit Al-Hijra. Mais est-ce que Al-Habasha était une terre d'islam? Indaman. Est-ce que Al-Habasha était une terre d'islam? Là. Quelle était la religion? Kanu Nasara. Non, ils étaient sur le christianisme. Ils étaient sur la voie du christianisme. Walakin al-hijra tutlaq na'am lil-firar liman farra bidinihi min baladi khawf ila baladi amn mathalan. Bal inna al-ulama nadabu ila al-firar min baladi yusabbu fihi as-sahaba ila baladi la yusab لا يصاب فيه الصحابة. نعم. Celui qui quitte une terre d'insécurité vers une terre de sécurité, les savants parlent de hijra. Plus encore, les savants disent que celui qui vit dans un endroit où on se permet d'insulter sahaba, نعم, il lui est légiféré de quitter cet endroit vers une terre où on n'insulte pas sahaba. On pourrait se dire, mais qui pourrait prétendre à l'islam et insulter sahaba? Hein? Qui pourrait se permettre d'insulter Sahaba, les meilleurs ayant marché sur la terre d'Allah? Est-ce qu'on trouve des gens au jour d'aujourd'hui qui pourraient se permettre d'insulter Sahaba tout en prétendant être musulman? Naam, on trouve cela. Qui a fait de sa religion l'insulte des Sahaba? Man yujib? Al-Shia. Al-Shia sont plusieurs groupes. Parmi eux, certains n'insultent pas Sahaba. Mais il y a une appellation plus propre d'un groupe qui ont pour base, tout comme toi tu as pour base dans ton dîn, حُبُّ الصَّحَابَ وَأَهْلِ الْبَيْتِ. Eux ils ont pour base صَبُّ الصَّحَابَ وَالْعِيَادُ بِاللَّهِ وَقَبَّحَهُمُ اللَّهِ. الرَّافِضَ est une secte dont qui a pour base نعم l'inimité à l'égard du sahaba. Ils insultent le sahaba. Plus étonnant que cela, ils parlent mal des bien-aimés du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de celle qu'il a aimée le plus même, son épouse Aïcha radiallahu anha. Et ils disent que la plupart des sahaba radiallahu anhum ajma'in irtaddu anil islam ba'da mawti nabi sallallahu alayhi wa sallam wa kadhab bal hum hum. Ils disent même que la plupart des sahaba ont apostasié après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors que ce sont eux qui sont qualifiés de cela s'ils sont entrés en islam un jour. Naam. Et parmi leurs paroles, le fait d'accuser Aïcha radiallahu anha siddiqatu bint siddiq, l'accuser de ce dont Allah l'a innocenté dans la deuxième page de suratul An-Nur radiallahu anha. Et parmi leurs paroles, le fait d'insulter Hafsa, la fille de Omar. Et parmi leurs paroles, le fait de dire que parmi les grands hypocrites, il y a Abu Bakr et Omar. Subhan al-Malik. Naam. C'est pour cela que certains parmi les pieux prédécesseurs ont dit, on a demandé à Banu Israël ou leurs descendants, qui sont les meilleurs de votre communauté? Ils ont dit les compagnons de Moussa. Puis on a demandé aux suiveurs de Isa, qui sont les meilleurs de votre communauté? Ils ont dit les Hawariyoun, les compagnons de Isa. Et on a demandé aux Rawafid, qui sont les pires d'entre vous? Ils ont dit Sahaba. Ils ont dit Sahaba. Naam. Ha'oula, laïsou muslimin. Al-Rawafid font partie des sectes qui sortent de l'islam. Ils ne rentrent pas, par exemple, dans les 73 groupes cités dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Naam. Parmi leurs adorations, ibadatul qubur wal awliya. Parmi leurs adorations, le fait d'adorer les saints et les tombeaux. Naam. Et parmi leurs paroles les plus effrayantes, le fait que certains parmi leurs awliya ont des connaissances des choses, de certaines choses que même un prophète envoyé ou un ange rapproché n'a pas eu connaissance. Allahu Akbar. Naam. Hada. Ça, c'est une partie des bêtises de Darrawafir. Naam. Allah Musta'an. Et après, tu entends certains dire, ce sont nos frères. كيف يكون اخر لك من صب امك كما est-ce que tu peux prendre en frère celui qui insulte ta mère عائشة رضي الله عنها ta mère حفصة رضي الله عنها qui insulte ce que le prophète sallam a aimé le plus et tu dis nous sommes ikhwa لا انما المؤمنون اخوة les croyants sont les frères les uns des autres أما هؤلاء فقد خرجوا إن دخلوا. Donc, lorsqu'ils sont rentrés à Mecca, ils ont trouvé que la situation était en réalité très difficile. Et lorsqu'ils sont rentrés, ils les ont torturés, ils les ont empêchés cette fois-ci de repartir. Ils ont enchaîné certains, ont torturé d'autres, ont surveillé d'autres, et ainsi de suite. Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala nous dit لَمَّا اشْتَدَّتْ أَذِيَّةُ الْكُفَّارِ لِلصَّحَابَةِ أَذِنَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فِي الْهِجْرَةِ إِلَى الْحَبَشِ. Ibn al-Qayyim nous raconte ce passage. Il nous dit que lorsque la nuisance de Quraysh s'est fait plus sévère sur al-Sahaba, le prophète صلى الله عليه وسلم leur a permis de partir à al-Habash. وَقَالَ لَهُمْ إِنَّ بِهَا مَلِكًا لَا يُظْلَمُ النَّاسُ عِنْدَهُ. Et il leur a dit, s'y trouve un roi qui ne permet pas l'injustice dans son royaume. Naam. S'y trouve un roi qui ne permet pas l'injustice dans son royaume. Alors, 12 parmi les hommes et 4 parmi les femmes ont fait l'hijra, la hijra, cette première égir. Wa minhum Uthman ibn Affan wa zawjatuhu. Parmi ceux qui ont fait la première égir, il y a Uthman ibn Affan, radiallahu anhu, avec son épouse. Qui était son épouse à cette époque? Naam. Ruqayya, bintu man. Qui est Ruqayya? Bintu Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Uthman, radiallahu anhu, s'est marié avec la fille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. À cette époque-là, Ruqayya. Naam. Car comme on le verra plus tard, inshallah ta'ala, par la suite, elle décéda. Naam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a marié une deuxième de ses filles. Fa'aqamu fil habasha ahsana jiwar. Ils sont restés à l'habasha et ont vécu de la meilleure manière, avec le meilleur voisinage. C'est-à-dire qu'on ne permettait pas qu'ils soient touchés par l'injustice, et on les laissait adorer Allah subhanahu wa ta'ala. فَبَلَغَهُمْ أَنَّ قُرَيْشًا أَسْلَمَتْ وَكَانَ هَذَا الْخَبَرُ كَاذِبًا. Leur est parvenu que Quraysh s'est converti à l'islam, mais ceci n'était que mensonge. فَرَجَعُوا إِلَى مَكَّةَ فَلَمَّا رَأُوا أَنَّ الْأَمْرَ أَشَدَّ مِمَّا كَانَ رَجَعُوا أَوْ رَجَعَ بَعْضُهُمْ. Lorsque ils se sont rendus compte, ou plutôt lorsque il leur est parvenu que Quraysh est entré en islam et sont revenus à Mecca, mais en réalité ils ont trouvé que la situation était encore plus difficile qu'auparavant. Et parmi ceux qui étaient partis, il y avait Abdullah ibn Saoud. Il y avait Abdullah ibn Saoud. Et lui fait partie de ceux qui sont revenus et sont rentrés à Mecca. Ceux qui sont revenus et sont rentrés à Mecca. ثم أذن لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهجرة الثانية. Puis le prophète صلى الله عليه وسلم leur a permis à nouveau de faire l'hégire. À ce moment-là, هاجر 83 رجلا. À ce moment-là, il y a ماذا 83 hommes qui ont fait l'égir. Et parmi eux, parmi les plus célèbres d'entre eux, il y avait qui? Hamza, Allahu A'lam. Hamza n'était pas encore converti, mon cher petit frère. Il s'est converti quelques mois après. D'accord? Naam. Abu Bakr a fait l'hijra, mais il n'est pas parti. Il n'a pas complété cela. Il est revenu sous le jiwar. Je cherche un nom précis, très connu, l'orateur des Sahaba, Othman, Abu Salama, parmi eux. Et Abu Salama est accompagné de... C'est facile, il y a la réponse presque. Ummu Salama. Naam. Qui est Ummu Salama par la suite qui deviendra min ummahat al-mu'minin, parmi les mères des croyants. Il y avait Ammar. Il y avait Ammar. Naam. Et Ja'far. Naam. Et d'autres. Naam. Et d'autres. Et quant à la présence de Ammar, celui qui rapporte le hadith, dit Yushak Koufi. Yani, on est dans le doute sur sa présence dans ce voyage. Donc 83 parmi les hommes, et on a dit combien parmi les femmes? 18. Parmi les femmes, 18. Ça c'est quelle hijra? Ça c'est la deuxième. Naam. Pour la première, on a dit combien de femmes? 4. Et combien d'hommes? 12. Pour la deuxième ici, le nombre est bien plus important. Naam. Le nombre est bien plus important. Et la nuisance de Quraysh, pareillement. Et la nuisance de Quraysh, pareillement. Ensuite, il nous dit, rahimahullah ta'ala, fa'aqamu 'inda an-Najashi. Ils ont donc passé ce temps-là auprès de Najashi. Naam, dans la meilleure des situations. Qui était Najashi? Najashi, c'est une appellation qu'on accorde à celui qui gouverne al-Habasha. À celui qui gouverne al-Habasha. Par exemple, Fir'aoun, est-ce que c'est son prénom? Non, c'est un titre. Naam, qu'on attribue à celui qui gouverne où? Misr. D'accord? Comment en français ils disent César, par exemple? César, Caesar, c'est celui qui gouverne où? Rome, les Romains. Est-ce que son prénom est César? Est-ce que son prénom est Fir'aoun? Est-ce que son prénom est Najashi ou Mouqawqas et ainsi de suite? Non. Ce sont des appellations, des titres qu'on donne à celui qui prend le coursi de tel pays. Naam, je ne sais pas s'il y a un mot plus adéquat en français, mais c'est un titre. Naam. Donc, falamma balagha dhalika Quraysh, arsalu Amr ibn al-As. Lorsque Sahaba ont réussi à partir de la sorte, Quraysh a envoyé des émissaires, naam, pour aller négocier, marchandiser avec al-Najashi, pour leur restituer Sahaba. Subhanallah. Subhanallah. Ils t'empêchent de pratiquer ton deal. Naam. Tu pars, ils viennent te chercher pour te ramener à l'endroit pour que tu n'adores pas Allah tabaraka wa ta'ala. Subhanallah. S'ils t'empêchent de pratiquer ton deal, ala al-aqal ayatrukuk. Au minimum, ils te laissent partir pour adorer Allah tabaraka wa ta'ala. Quraysh ont atteint un niveau où ni ils ont laissé les gens adorer Allah azza wa jalla auprès de la Kaaba qui a été élevée pour cela par Ibrahim alayhi salam et Ismaïl, ni ils ont laissé Sahaba partir. Et tous ceux qui sont partis en cachette, pratiquement. Naam, particulièrement pour la grande hijra ila al-Madina. Donc, ils ont envoyé plusieurs personnes. Parmi eux, Amr ibn al-As. À cette époque, il n'était pas encore converti. Radiallahu anhu. Ils ont envoyé également Abdullah ibn Abi Rabi'a. Ils ont envoyé également Abdullah ibn Abi Rabi'a. Pourquoi cela? Afin qu'ils se rendent auprès de Najash. Et Amr ibn al-As était un grand émissaire de Quraysh. Et c'était quelqu'un d'éloquent, et c'était quelqu'un qui avait une place et qui savait, yani comme un ministre. Comme un ministre et comme un ambassadeur, plus exactement. Comme un ambassadeur chez Quraysh. Et ils sont venus pour demander à Najashi de leur rendre. Na'am al-Madha al-Sahab. Mais Najashi était quelqu'un de sage et quelqu'un de juste. Pourquoi Sahab ont fait al-Hijra? Et quel est le jugement de Al-Hijra? Et quel est le but de Al-Hijra? Al-Hijra, Al-Hikmatu minha iqamatu dinillah. Wa ifraduhu bil-ibadah. La sagesse de l'égir n'est autre que d'adorer Allah tabaraka wa ta'ala seul d'un culte sincère comme il l'a commandé. Na'am. Amma hukmu Al-Hijra ala hasab hali الشخص. Quant au jugement de l'égir, cela varie en fonction de la personne. Donc, al-hijra, c'est wajib. Al-hijra, c'est obligatoire. Si ce n'est que certaines personnes, pour eux, cette obligation descend au niveau de al-nadb. Ça veut dire quoi, mandoub? Mandoub, ça veut dire mustahab. Quand tu étudies le sur le fiqh, mandoub, ça veut dire ma amara bihi shari' la ala sabil al-ilzam. Alors quel wujub ma amara bihi shari' amran jaziman la ala sabil at-takhyir. Na'am. Al wujub, l'obligation, c'est ce qu'a ordonné le législateur Allah tabaraka wa ta'ala. Na'am. Sans, entre parenthèses, laisser le choix. C'est-à-dire on ne te dit pas si tu veux tu le fais, si tu veux tu ne le fais pas. Mais tu as le choix en réalité dans le sens du libre arbitre. Na'am. Pas le choix dans le sens de la licité de la chose. Alors que nadb, c'est un ordre, mais tu as le choix. On t'ordonne de faire la chose, mais on te dit, si tu veux, tu ne le fais pas. Mais si tu le fais avec une bonne intention, tu te verras récompensé. Tu te verras récompensé. C'est wajib. L'iman la yastati'u ibadat Allah kama amara. Ay iqamat ad-din. C'est obligation. C'est obligatoire à deux conditions. La première condition, celui qui n'a pas la capacité de mettre en pratique son din comme Allah lui a ordonné. La deuxième condition, al-qudra. La deuxième condition, la capacité. La capacité, ça comprend les moyens financiers, les moyens physiques, la sécurité du chemin, le fait de connaître le chemin. Et aujourd'hui, les ulama ont ajouté al-ard, wujud al-ard, le fait de trouver la terre. Car à l'époque, c'était facile. Aujourd'hui, il y a beaucoup de règles qui font est-ce que tu pourras vivre dans tel endroit ou tu ne pourras pas vivre dans tel endroit. Le deuxième jugement, c'est al-istihbab. C'est le caractère recommandé. Pour qui est-ce que c'est recommandé? C'est recommandé pour celui qui en a la capacité, mais il a aussi la capacité d'adorer Allah où il se trouve. Où il se trouve. Na'am, comme Allah lui a commandé. Na'am. Et que personne ne se fasse une fatwa tout seul. Na'am. Et ils disent, moi c'est bon. Mais qu'ils disent, moi c'est bon. C'est pas bon du tout. Na'am. Particulièrement pour nous. وإنا لله وإنا إليه راجعون. قال الله سبحانه وتعالى في كتاب الكريم إن الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم وأنفسهم. الله عز وجل في القرآن nous dit ceux que les anges retrouvent ou bien font mourir, يعني par l'ordre d'Allah عز وجل les récupèrent leurs âmes, à comprendre, injuste envers leur propre personne. Donc on te cite ici la situation de personnes qui décèdent dans un pays non musulman. Ils sont injustes envers eux-mêmes, ces personnes-là. Pourquoi? Car ils ne pouvaient éviter certains péchés. Et ils ne pouvaient appliquer ce qu'Allah Azza wa Jal leur a commandé. قَالُوا فِي مَا كُنْتُمْ. Il leur sera dit, dans quelle situation étaient-vous? قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ. Ils répondront, nous étions affaiblis sur la terre. Et nous, on était faible, on n'avait pas la capacité. Na'am. Ça, c'est l'excuse qu'ils vont avancer. قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً. Et on leur dira, pour rendre cadre avec cette excuse, est-ce que la terre d'Allah n'était-elle pas assez vaste? Naam, ici on montre l'obligation de Al-Hijra. Naam. Fatuhadiru fiha, afin que vous puissiez faire l'hijra. Fa'ulaika ma'wahum jahannam. On nous dit qu'à eux, yani ces gens-là, leur finalité sera l'enfer, wasat masira. Et on ne dit d'une personne, on ne menace d'une personne par l'enfer, on ne menace d'une personne par l'enfer, sauf quand c'est dans le délaissement d'une chose qui est wajiba, ou dans la mise en pratique d'une chose qui est muharrama. Et non pas mustahabba et makruha. Ça, c'est wajj al-istidlal. Puis Allah subhanahu wa ta'ala nous cite le troisième jugement. On a cité deux jugements. Celui qui n'a pas la capacité de faire ce qu'Allah lui a commandé, et il a la capacité de partir. Le deuxième jugement, celui qui a la capacité d'adorer Allah azza wa jalla où qu'il se trouve, mais il a aussi la capacité de partir. Le troisième jugement, celui qui n'a pas la capacité d'adorer Allah comme il a commandé, mais il n'a pas non plus la capacité de partir. Alors Allah subhanahu wa ta'ala nous cite ceux qui ont une excuse, il nous dit « Illa al-mustada'afina min al-rijali wal-nisa wal-wildan » Sauf ceux qui étaient faibles parmi les hommes, les femmes, les enfants. « La stati'una hila » Naam, « La stati'una hila tan wa la hataduna sabila » Ces gens-là, ils n'avaient pas la capacité de partir et ils n'avaient pas la capacité de trouver eux-mêmes, de prendre eux-mêmes ce chemin et de faire ce voyage, ils ne connaissaient pas le chemin. Allah nous dit fa'ulaika ou bien fa'ulaika Allah asallahu ya'fu anhum. À eux, il se peut qu'Allah leur pardonne. Naam, il y a une règle qui dit que asa fi haqqillah dans ce contexte-là, c'est muhaqqaq. Naam, ils disent wajib. Asa ici, c'est pas dans le sens d'il se peut, c'est dans le sens c'est sûr. Naam, c'est dans le sens c'est sûr, c'est une règle. Naam, que les ulama citent, je ne saurais la traduire convenablement en français. وَكَلَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا Parmi les mustadhafis, parmi les mustadhafis les plus connus, il y avait Ibn Abbas et sa mère. Naam, Ibn Abbas cite ce verset, il dit, moi et ma mère faisions partie de cela. Moi et ma mère faisions partie de cela. Et le mufassirun nous dit, هذا الوعيد لمن ترك الهجرة. Cette menace est à l'encontre de ceux qui ont délaissé l'hijra. Et il y a un point très important à savoir que l'hijra, hijratan. L'hijra est de deux sortes. Il y a l'hijra bil qalb. Naam. Il y a l'hijra avec le cœur et l'hijra avec le fait de délaisser ce qu'Allah interdit. Wa hada huwa al-asl. Ça, c'est la base, comme le dit dans une page chez Abdallah al-Bukhari, hafidahullah ta'ala. Donc, il y a l'hijra avec le qalb. Naam, avec le cœur. Par le fait de délaisser le shirk vers le tawhid, délaisser le bid'ah vers le sunnah, de délaisser le muharramat vers le ta'at, et ainsi de suite. Il se sauve de la désobéissance d'Allah vers Allah. De manière générale. Ça, c'est l'hijra avec le qalb. D'accord? Ensuite, et ça, c'est la base, il faut bien le comprendre. Ensuite, vient cette hijra qui est avec le badan, qui est avec le corps. C'est-à-dire que la personne se déplace. Naam, la personne se déplace. Et parmi les mérites de l'hijra, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, comme on le verra inshallah ta'ala dans l'histoire de la conversion de Amr ibn al-As, d'ailleurs, que lorsqu'il est venu pour se convertir, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, Ama alimta ya Amr, anna al-hijrata tajubbu ma qablaha, wa anna al-islama yajubbu ma qablaha. Le prophète sallam a dit à Amr de sa conversion, ne suffit pas que l'hijra efface tout ce qui est passé avant. Naam, et parmi les mérites de l'hijra, ce n'est pas le but en soi, c'est qu'Allah Azza wa Jal t'enrichit. Allah Azza wa Jal t'enrichit. Naam. Et celui qui a sa subsistance où il se trouve, il doit savoir que celui qui te donne ta subsistance où tu te trouves, et lorsque tu es à ton travail, c'est le même qui te donnera ta subsistance lorsque tu te trouveras ailleurs. Et parmi ce qui montre la faiblesse de beaucoup d'entre nous dans la foi, c'est que si une personne, parmi les milliardaires, nous disait, pars, et chaque mois je t'envoie telle somme, et tu sais de lui que c'est une personne de confiance, beaucoup partiraient. Naam, Allah Azza wa Jalla dans le Coran t'a garanti ta subsistance. Et il a garanti la subsistance à toute chose qui est sur la terre. De la fourmi, du moineau, jusqu'à l'animal, jusqu'à l'homme. Naam. Donc ça, c'est une chose qu'il faut alaj dans les qulub, ça manque dans le tawhid. Naam, ça manque dans le tawhid. Barakallahu fikum. Et après l'ouverture de la Mecque, lorsque la Mecque est devenue terre d'islam, après le fath, al-thani, est-ce que la hijra s'est arrêtée du fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ait dit la hijra ba'da al-fath? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit il n'y aura plus d'hijra après le fath, c'est-à-dire l'ouverture de la Mecque. Une arabe, sinon le fath, comme on étudiera inshallah ta'ala, c'était sulh al-hudaybiyah. لا هجرة بعد الفتح أي من مكة إلى المدينة لأن مكة صارت بلد إسلام. Quel est le sens du hadith? Il n'y a plus d'égir après l'ouverture de la Mecque. Le sens de ce hadith, ça ne veut pas dire que l'égir n'est plus obligatoire maintenant. Non, ça veut dire que vous n'avez plus à partir de la Mecque vers El Medina. Pourquoi? Parce que la Mecque est devenue une terre d'islam. C'est ça le sens. Naam, c'est ça le sens. Et la preuve de cela, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, comme dans le hadith que rapporte l'imam Abu Daoud rahimahullah ta'ala, selon Muawiyah, « قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها ولا تنقطع الهجرة أو عفوا قال لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit l'égir ne s'arrêtera pas tant que le repentir ne sera pas suspendu. Et le repentir ne sera pas suspendu tant que le soleil ne se lèvera pas de son coucher. Chaque jour le soleil se lève à l'est et se couche à l'ouest. Il demande la permission à Allah Azza wa Jal et il se prosterne. Puis il se relève et il repart d'où il est venu. Et chaque jour il fait cela. À la fin des temps, le soleil va demander cette permission, elle lui sera refusée. Donc il va se relever, naam, à l'opposé d'où on avait l'habitude de le voir se lever. Ceci sera un des plus grands signes de la fin du monde et la porte du repentir ce jour-là sera fermée. Alors on n'acceptera plus le repentir de quelqu'un qui va entrer dans le dîn. Mais attention, on n'acceptera plus non plus le repentir du fasiq. Naam, et ça c'est khatir jiddan, ni du mubtadi', ni de l'innovation. Ça c'est khatir jiddan. Faut pas que penser au repentir qui consiste à rentrer dans l'islam. Non. Comme on a étudié, même al-fussaq, wa minhum al-mubtadi'a, kafana Allahu sharrahum. Et dans le recueil de l'imam al-Tabarani, rahimahullah ta'ala, il nous cite un hadith dans les mérites de la hijra. Il nous dit que lorsqu'un compagnon a demandé conseil, le prophète sallam l'a dit, alayka bil hijra fa innahu la mithla lah. فَإِنَّهُ لَا مِثْلَ لَهَا. Le prophète sallam lui a dit, fais l'égir, il n'y a pas d'action qui lui soit semblable. Et Allah dans le Coran nous dit, وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعَ. Celui qui fait l'égir pour la cause d'Allah trouvera sur sa terre beaucoup de bien, beaucoup de bien, de richesse. Pour ceux qui sont inscrits au cours d'arabe et ceux qui ne sont pas inscrits. Pourquoi dans le verset وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ. Pourquoi يُهَاجِرْ? On ne dit pas وَمَنْ يُهَاجِرْ et يَجِدْ. Pourquoi pas يَجِدُ? مَنْ دَرَسَ فِي مِسْرِ. Qui a étudié en Égypte l'arabe? Lorsqu'on rentre de nos études, on est tous fiers. Et on dit j'ai étudié là. Et quand on est dans le dos, on nous questionne, on ne se fait pas connaître. On devient sincère. Allah musta'an. Naam. لأن الفعل الأول شرط والثاني جوابه. Naam. هل عندك مثال في القرآن يبين لنا أن التقوى سبب أن التقوى سبب نيل العلم ومن يتوكل على الله فهو حسبه. نعم. ومثال آخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا. نعم. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله ما قال تتقون الله، تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. نعم يجعل لكم فرقانا. طيب ça sera le cours de samedi prochain inshallah ta'ala. والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا. Aussi Allah Azza wa Jal nous annonce la bonne nouvelle et le secours d'Allah Tabaraka wa Ta'ala pour ceux qui ont subi quelques nuisances comme As-Sahaba radiallahu anhum. Et il y a des textes qui sont venus à la même période. Il y a des textes qui sont venus à la même période qui ont préparé comme une introduction, comme la révélation de Sourate Al-Kahf. Dans Sourate Al-Kahf, on nous parle de qui? Et c'est la sunna de réciter Sourate Al-Kahf le vendredi. On nous parle de qui dans Sourate Al-Kahf? Innahum fityatun. On nous parle de certains adolescents qui étaient dans un peuple où il y avait le polythéisme. Ils se sont abrités dans une caverne pour adorer Allah Azza wa Jalla seul d'un culte sincère. Et ils ont eu peur qu'en revenant à leur peuple, ils allaient les contraindre au polythéisme. Alors Allah Azza wa Jalla en a fait un signe. Il les a fait dormir. Combien d'années? 300 combien? 309 ans. Puis ils se sont réveillés sans avoir subi quelques nuisances. Et on nous a cité certains versets aussi sur l'Hijra. Ensuite il y a eu cela. Donc au cours de la cinquième année, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ordonne à un compagnon d'émigrer en Abyssinie lorsque les offenses et les tortures en tout genre s'intensifièrent. L'Abyssinie était un comptoir commercial de Quraysh. Ce groupe d'émigrés se composait de 12 hommes et de 4 femmes. D'ailleurs, le premier émigré fut Uthman ibn Affan en compagnie de son épouse Ruqayya, la fille du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Cette parole a été citée dans certains athas, mais certains savants disent qu'il n'y a pas de chaîne de transmission authentique pour cela, mais c'est connu qu'il fait partie des premiers. Parmi les personnes qui ont émigré, il y a Zubayr, il y a Abdurrahman ibn Auf, il y a Ibn Mas'ud, il y a Abu Salama et son épouse radiallahu anhu. Et comment ils ont fait l'Hijra, ils sont sortis en cachette, comment est-ce qu'ils se sont rendus en Al-Habash? Il y a eu un navire commercial, il y a eu un bateau sur la côte, la côte en général en Arabie c'est Jeddah, et ils sont arrivés à ce moment-là par la grâce d'Allah Azza wa Jal. Ils les ont donc pris pour les amener à bon port. Et certains savants ont dit qu'ils ont payé, cela. Et lorsque Quraysh a eu connaissance de cela, il y a une qissa, Allahu alam, si c'est sage de la citer ou pas, à la kulli hal, une histoire qui est fausse, je le dis d'avance, qui dit que la cause de leur retour a été la prosternation de Quraysh lorsque de la lecture du prophète sallallahu alayhi wa sallam du passage Atharaytum Lata wal Uzza wa Manat al-Thalitha al-Ukhra. Ils disent que le prophète sallam a ajouté, c'est une première façon de dire, une deuxième façon de dire c'est que il s'est trompé, une troisième façon de dire est de dire que Shaytan a fait passer pendant que le prophète sallam récitait des éloges sur les divinités de Quraysh. En entendant cela, Quraysh, à la fin de la soirée, s'est prosterné avec les musulmans. Cette information est parvenue aux gens de l'Habasha. Alors, ils ont pensé qu'ils s'étaient convertis à l'islam, ils sont revenus. Le fait qu'ils se soient prosternés à la fin de la surah, ça c'est authentique. Mais le fait que la cause soit que le prophète sallam ait fait l'éloge de leur divinité, ceci est faux et n'a aucune authenticité. Un point tel que les ulama ont écrit des livres entiers pour démontrer le caractère faux de ce hadith, ou de cette parole. Parmi les versets qui ont été également révélés dans cette période, il y a Zumar. Il y a les passages de Sourate Zumar, qui nous montrent que la terre d'Allah Azza wa Jal est vaste. Lilladina ahsanu fid dunya hasana wa ardullahi wasi'a. Ceux qui ont fait du bien dans ce bas monde recevront du bien, et la terre d'Allah est vaste. Innama yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighayri hisab. les patients sont rétribués, ou les endurances sont rétribuées d'une récompense, sans compter. Sans compter. Donc, il fut dit que la cause de leur retour a été un ajout dans la lecture du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui faisait les éloges des fausses divinités de Quraysh. Alors lorsque cela est parvenu aux gens de l'Habasha, ils ont entendu qu'ils se sont convertis, ils sont rentrés à Mecca. À Mecca. Hadi al-qissa laha ism. Cette histoire a un nom. Comment est-ce qu'on surnomme cette histoire? Celui qui trouve la réponse, je lui offre un livre. Car je sais que la chose que vous aimez le plus, c'est la science, sinon je vous aurais dit de l'argent. Naam, dhikri. Al-Ghalaniq. Ahsant. Qissatul Ghalaniq. Avec un roi. Naam. Ensuite un ra. Ghalaniq. On surnomme cette histoire l'histoire de Al-Ghalaniq. Quelle est cette histoire, ce que je viens de dire? C'est-à-dire que Al-Qashaytan, c'est-à-dire que Shaytan a fait passer des mauvaises paroles dans la lecture du prophète sallallahu alayhi wa sallam de Surat al-Najm. Allah Azza wa Jal a rendu caduque l'adoration de ses fausses divinités et on entend ensuite, ça c'est ce qu'on raconte bien sûr, on entend ensuite que, et alors on fait leurs éloges au final. Alors quand Quraysh ont entendu ça, ils ont adhéré. Parce que eux adoraient Allah et reconnaissaient l'adoration d'Allah. Mais ils ne reconnaissaient pas le fait qu'il soit le seul en droit d'être adoré. Non, c'était des adorateurs d'Allah. Mais ils n'étaient pas monothéistes. Il faut faire la distinction entre le ibadah et le tawhid. C'est très très important. Non, revenez au livre Al-Qawa'id. Al-Arba'a, les quatre règles. Et comme quoi il aurait été dit tilka al-gharaniq al-ula wa anna shafa'atahunna la turtaja, yani voici les grandes divinités desquelles on peut espérer l'intercession. Donc ça c'est la religion de Quraysh. Alors à ce moment-là, ils ont adhéré. Mais ceci n'est pas authentique. Et le grand savant du hadith de notre époque, sans aucune divergence, ce qui lui a été reconnu par les imams de cette époque comme Ibn Baz et d'autres, Sheikh Al-Allama Al-Albani, Muhammad Nasruddin Al-Albani rahimahullah ta'ala, a écrit un livre. Naam, Nasbul Majaniq Linasqi Qissatil Gharaniq. Al-Albani a écrit un livre pour montrer que ce hadith est faux. Naam, pour montrer que ce hadith est faux. Et comment est-ce que Shaytan aurait pu suggérer cela au prophète sallam et que le prophète m'aurait pu dire cela avec sa langue? Alors qu'Allah nous dit au Coran, Inna ulaysa lahu mada sultan al-ladina aman. Il n'a pas de pouvoir sur ceux qui ont la foi. Wa ala rabbim yatawakkalu. Et en leur Seigneur place entièrement leur confiance. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est l'imam des croyants, et l'imam de ceux qui placent leur confiance en Allah azza wa jal. Naam, donc, comme on voit dans surat al-Nahl, on voit que ceci contredit le Coran. Aussi, ça remet en cause le caractère infaillible du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la transmission de la révélation. Ça remettra en cause le caractère infaillible du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Aussi, ça remettra en cause le fait qu'Allah Azza wa Jalla ait promis de préserver le Coran, comme il nous le dit dans le Coran, Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu la hafidhun. C'est nous qui avons révélé. Quand on dit nous, plusieurs personnes posent la question. Yani nahnu, pourquoi Allah Azza wa Jalla parle de lui, il dit nahnu. C'est l'il'azama. Naam. C'est une façon de faire en arabe pour montrer l'immensité de celui qui s'exprime. Et non pas la multitude de ceux qui s'expriment. D'accord? Ne vois-tu pas qu'en français, tu vous vois la personne alors qu'elle est seule? Non, parfois par respect, parfois car tu ne la connais pas, et parfois parce qu'ils sont plusieurs. Ben, en arabe, tu dis nahnu, ta'ziman. En arabe, il y a nahnu, il y a nous, naam, pour immensifier, naam. Et les savants ont cité aussi dans la chaîne de transmission, ont cité dans la cohérence du texte. Et comment est-ce qu'on rend caduque leur adoration juste après on leur fait leurs éloges, pour ensuite encore les rendre, la rendre caduque. Tout cela montre que le texte n'est pas authentique. Et Ismatul Anbiya, les prophètes sont ma'soumoun, ils sont infaillibles dans la transmission du message. C'est-à-dire qu'Allah Azza wa Jalla les a préservés intérieurement de l'adoration d'autre qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala, extérieurement de la mécréance, de l'hypocrisie, des grands péchés et de ne pas obéir à Allah Tabaraka wa Ta'ala. Et aussi les préserve de rester constants ou de ne pas sortir d'une petite faute. D'une petite faute. Et cela nous amène à la divergence. Est-ce qu'un prophète peut faire de petites fautes? Les savants divergent. Beaucoup disent oui, mais ils ne restent pas dans cette petite faute. Allah Azza wa Jal leur fait le rappel et ils se corrigent. C'est pour cela que tu ne trouves pas dans le Coran ou tu t'accades à la tajida fil Coran un texte où on cite une action d'un prophète où Allah le blâme sans que tu trouves à côté la tawbah wa l'istighfar. Dans la qissa de Adam et de Hawa, qala rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana. Donc ici on voit quoi? Qu'ils citent qu'ils ont été injustes envers eux-mêmes puis directement les istighfar. Puis directement les istighfar. Dans la qissa de Nuh avec son fils, quand Allah Azza wa Jalla lui a promis de sortir qui? Sa famille, l'ahl. En réalité, l'ahl c'est l'atba', c'est ses suiveurs dans sa religion. Naam. Donc lorsque son peuple a été noyé, il y avait parmi eux son fils. Alors Nuh n'a pas compris, il a demandé à Allah Azza wa Jalla qui lui avait fait la promesse de sortir, de sauver tous ses et aller tout l'ahl. Mais l'ahl des fois ça va dans le sens de suiveur, des fois dans le sens de famille, épouse et ainsi de suite. Alors Allah Azza wa Jalla lui a dit inna walaysa min ahlik, ne fais pas partie de tes suiveurs. Innahu amila ghayra salih, ou bien dans l'autre lecture autrement. Naam, une fois qu'il n'était pas sur sa religion. Qu'est-ce qu'il a fait immédiatement? Il est revenu vers Allah, tawbah wa istighfar. Madha Moussa alayhi salam, tous les cas qu'on le cite dans le Coran, on voit que c'est cité avec tawbah wa istighfar. Quant à la transmission du message, il n'y a pas de divergence entre les savants quant à leur caractère infaillible. Pareillement pour les grands péchés. Si ce n'est que beaucoup de savants disent que ils ne sont pas infaillibles dans le fait de commettre une petite faute. Non, mais cela n'est pas pour le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est pour les anbiya en général. Les anbiya en général. Par contre, dans la façon de faire da'wah, dans la transmission du message et ainsi de suite, ils sont infaillibles. Wallahu a'lam. Quant au sujoud des associateurs, il est affirmé, mais pas de par ce texte-là. À la fin de Suratu Al-Najm, Abdullah ibn Abbas radiallahu anhu, nous montre qu'ils se sont prosternés dans un hadith. C'est-à-dire que les sahaba se sont prosternés et que les associateurs derrière eux sont tombés prosternés. Pourquoi? Certains savants ont cité plusieurs causes. Certains ont dit de par l'éloquence et la lourdeur du Coran. Dans l'entrain de tout cela, ils sont tombés prosternés. Ils n'ont pas réussi à se retenir, ils sont tombés prosternés. Et d'autres parmi les savants ont cité d'autres paroles. Donc je l'ai cité pour que vous sachiez que c'est daif. Non, parce que certains parmi Shia par exemple citent cette histoire pour parler sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour cela que Talib al-ilm doit apprendre al-haq, l'appliquer, le transmettre, et c'est la base et c'est le but. Mais il doit aussi apprendre al-batil pour se préserver des gens du faux et ne pas se faire tromper. Naam, et pour avertir contre le faux. Dans la deuxième hijra, l'imam Ahmed rahimahullah ta'ala nous raconte le hadith de Abdullah Mas'ud, un autre hadith de Musalama, où il raconte l'égir. Si ce n'est que dans cette riwaya, il y a la citation de Abu Moussa. Et ça, c'est un problème. Pourquoi est-ce que c'est un problème? Pour celui qui connaît un peu l'histoire, il sait qu'Abu Moussa al-Ash'ari, il fait partie de cette tribu. Il est Ash'ari. Quand j'ai Ash'ari, c'est pas Ash'ari, yani al-Mubtadi'a, les enfants de Mu'tazila. Non. On ne parle pas de ceux qui ont renié les attributs d'Allah Azza wa Jalla, si ce n'est sept, et ont affirmé ces noms avec leur uqul. Non, c'est un endroit. Ça fait référence à une tribu. Où se trouvent ces gens-là? Naam. Enfin, comme les Sahaba, les Aous, les Khazraj, ou les gens de Medina, ils viennent d'où? Abdaous, Abu Huraira, Shikrit, c'est où leur base? Naam. Al Yaman. Ils viennent du Yaman. Donc Abu Moussa fait partie de ces gens-là. Il est venu avec de la famille à lui, des gens. Naam. Et il n'est pas venu de Mecca à Al-Habash. Non. Parce que lui-même raconte dans un hadith, plus loin dans la chronologie, qu'il est sorti du Yémen. Et il a rencontré les Sahaba. Naam. Non pas qu'il était avec les Sahaba de Mecca al-Madina. Il était même pas encore à Mecca, Abu Moussa al-Ash'ari, radiallahu anhu. Donc juste cette partie dans le hadith, elle n'est pas authentique. À un point qu'Ibn Kathir, rahimahullah ta'ala, s'est étonné de grands savants qui ont cité Abu Moussa dans le hadith sans faire attention à cela. Naam. Pour que tu saches que seul Allah Azza wa Jalla ne se trompe pas. Naam. Même un grand savant peut ne pas voir une chose. Mais la base, c'est qu'Allah Azza wa Jalla les assiste et raccorde le haqq la plupart du temps. Il illumine par leur chemin le chemin des musulmans. Mais les savants ne sont pas infaillibles. Naam. Les savants ne sont pas infaillibles. Il faut être dans le juste milieu. On respecte les ulama, on aime les ulama, on suit les ulama, on revient aux ulama dans notre dîn. Amma, le fait de penser qu'un savant ou plusieurs ou un groupe de savants sont infaillibles, ça c'est haram. Ça c'est haram. Et c'est du rouleau et c'est de l'exagération. Et les premiers à interdire cela sont les ulama, eux-mêmes. Naam. Et l'autre extrême aussi est haram, le fait de parler sur les ulama, dénigrer les ulama, manger la chair des ulama et ainsi de suite. Mais il faut être dans le juste milieu. Quant au fait de dire tel savant dans telle question, si t'as un talibé, tu dis tel savant dans cette question, s'est trompé, et chez un tel, là, a démontré cela, et voici sa preuve. Adam a fiché. Ceci n'est pas blâmable. Non, ceci n'est pas blâmable. Un savant, par exemple, dit, celui qui mange de la viande de chameau a perdu le wudu. Un autre savant dit, celui qui mange de la viande de chameau n'a pas perdu le wudu. Et celui qui prend cet avis dit, tel savant s'est trompé. Il a fait un effort de réflexion, il a la récompense, Inch'Allah. Et l'autre dit, lui, il a eu bon, il apporte les preuves parce que c'est un talib. Quant à celui qui a un ammi ou shiba ammi, il ne rentre même pas dans cela, il a beau, il a pas. Lui, il revient à ulama, il fait ce vers quoi il l'oriente. À la kulli hal, il y a eu deux égirs. Parmi les preuves, il y a le hadith de l'histoire de Asma bint Umays. Qui est Asma bint Umays, une des femmes qui a fait la première et la deuxième égir. Elle était auprès de Hafsa. Qui est Hafsa? Hein? Qui est Hafsa? Bint Umar, Zakallah khair. Continue, Yannis, comme ça tu prends ma place. Je me fais vieux avant l'âge. Donc, barakallahu fik. Asma bint Umays a participé aux deux égirs. Ou de Égir. Elle était auprès de Hafsa, qui est la fille de Omar, comme nous l'enseigne, nous le rappelle, Yanis Hamidahullahu Ta'ala. Et elle était en discussion alors que Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu est entré. Et il a dit à Hafsa, Man hadihi, qui est cette femme? Alors Hafsa lui a dit, Asma bint Umays. C'est Asma bint Umays. Le Omar a dit Al-Habashiya. Il a dit Al-Habashiya. En vrai, elle ne fait pas partie de la Habashiya. Ce n'est pas une Éthiopienne. Mais celle qui a fait les jira, Al-Habasha. Al-Bahriya. Celle qui a emprunté la mer. Alors, Qalat Na'am. Mada. Hafsa a dit oui, il s'agit d'elle. Alors, Omar al-Khattab radiallahu anhu a dit سابقناكم. عمر بن الخطاب comment dire, c'est يعني la concurrence est dans la bonne action. Et il lui a dit سابقناكم بالهجرة. Il lui a dit on vous a devancé de par l'égir. فنحن احق برسول الله. Alors nous sommes plus à même de nous réclamer du messager d'Allah. On est plus proche de lui. On a fait mieux que vous. De quoi est-ce qu'ils parlent? Eux sont partis à Al-Habasha, ça? Et Omar est parti où? Hein? Al-Madina. Il a fait la grande égir. Donc il a dit, on a été meilleur que vous. Naam, ça c'est dans la concurrence, pas pour se vanter. Ça c'est la concurrence. Naam, t'apprends le Coran avec ton ami. Naam, t'apprends le Coran avec ton ami. Et vous deviez apprendre une demi-page aujourd'hui. Qu'Allah nous aide à apprendre le Coran, à le comprendre, à l'appliquer, à le soigner avec. Et tu sais qu'il veut finir le Coran avant toi. Et pour le pousser à faire plus d'efforts, tu lui dis Alhamdulillah, j'ai fini ma demi-page. Et toi? Je pense qu'aujourd'hui je suis en avance sur toi. Ma fi ba's, il n'y a pas de mal dans cela. Il n'y a pas de mal dans cela. Naam. Et le prophète sallam a dit à Abu Bakr, qu'est-ce que tu as laissé chez toi lorsqu'il nous a appelé à faire sadaqa? Il a dit, non, plutôt Omar ibn Khattab. Et est parti lorsque le prophète sallam a invité Sahaba, lorsqu'il a vu deux personnes très pauvres, il leur a dit, réunissez-leur de l'argent, et des richesses, de la nourriture, et ainsi de suite. Omar ibn Khattab a dit, aujourd'hui, alhamdulillah, c'est un moment où j'ai touché de l'argent. Alors, je vais dépasser Abu Bakr. Hani, à chaque fois, il essaie de dépasser, il n'arrivait jamais. Ce jour-là, il a dit, c'est l'occasion rêvée. Il est parti chez lui, il a tout réuni, il a divisé en deux, il a ramené la moitié de tout ce qu'il avait. Quand Abu Bakr est arrivé, lui, il a ramené des choses. Le prophète sallam a dit à Omar, qu'est-ce que tu as laissé chez toi? Il a dit, mithladalik, j'ai laissé la même chose, c'est-à-dire la moitié. Il a dit à Abu Bakr, lorsqu'il est arrivé plus tard, wa anta, il lui a dit, je n'ai rien laissé. Je leur ai laissé Allah et son messager. Allah et son messager. Ça ne veut pas dire qu'il a tout donné, il a laissé ses enfants sans nourriture, sans boire. Non. Ça veut dire tout ce qu'il donne, il l'a donné. Tout ce qui se donne, il l'a donné. Naam, ça c'est une remarque importante. Certains pourraient croire parce qu'ils ne dépensent pas pour leur famille, parce qu'ils sont avares. Naam, parce que la femme elle est obligée de prendre en cachette comme c'est permis. Naam, pour pouvoir nourrir sa famille et se nourrir elle-même. Naam. Alors ils vont utiliser cette qissa-là. Non. Non. Tu es obligé de dépenser pour ta famille, même si elle est riche. Et si elle est riche, on l'encourage à t'aider. Mais c'est à toi de dépenser. Tu as l'obligation dans cela. Quand Asma bint Umayyah a entendu cette parole, ça ne lui a pas plu. Alors elle est partie se plaindre au prophète sallallahu alayhi wa sallam des propos de Omar. Et en islam, on ne dit pas qu'un tel est sur la vérité parce que c'est un grand savant. Ou un tel est sur la vérité parce que c'est un ami du prophète sallam. Ou parce que c'est un des premiers convaincus. Ou autre. Non. Ou parce que c'est un homme devant une femme. Non. En islam, c'est Dalil qui compte. Alors Asma, une femme, est partie voir le prophète sallam et lui a raconté cela. Et elle s'est plaint de cela. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit là. Il a dit non. Mais vous les avez devancés. Pourquoi? Elle a cité, qu'en répondant à Omar, que vous étiez à Al-Madina, en compagnie du messager d'Allah. Il nourrissait vos affamés, et il abreuvait vos assoiffés. Non, vous êtes en compagnie du prophète, il vous aidait, il s'occupait de vous. Alors que nous, on était dans un pays étranger, et on n'avait personne en dehors d'Allah. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a donné raison. Il a dit, eux ont une égir et vous avez doublement cela. Et vous avez doublement cela. Antum ahla safina wal hijratayn. Il a dit, vous êtes les gens du bateau et vous êtes les gens qui ont deux égir. Al-Najashi, qui est Al-Najashi? Ils sont partis à Al-Habash. Al-Najashi, kana rajulan adlan. Naam, Al-Najashi était une personne juste. Kana adilan. C'était une personne juste. Et ismuhu Ashama. Comment s'appelle? Quel est le prénom de An-Najashi? Ashama. Tu savais, Yanis? Je ne la savais pas celle-là. Je peux pas tout savoir. Ashama. J'ai encore d'autres questions que peut-être tu ne connais pas. Ashama. Que signifie Ashama? Tu veux notre faïda? Naam, Ami? Là. Al-Atiyah. Hein? Ami, toi tu le savais. Ashama signifie Al-Atiyah, c'est un don. Le sens de son nom, son prénom, c'est Al-Atiyah, c'est le don. Et comme nous l'avons dit, Al-Najashi Laqab, c'est un titre, c'est un surnom qu'on accorde à ceux qui gouvernent Al-Habash. Wa Aslama, il s'est converti à l'islam par la suite. Et le prophète sallam a fait la prière qu'on appelle Salatul Ra'ib. C'est quoi Salatul Ra'ib? C'est lorsqu'une personne décède dans un endroit, où on ne priera pas sur lui. Alors on prie nous ici en son absence. Et on fait salatul ra'ib. Pourquoi? Parce qu'on, soit personne ne va prier sur lui, soit on pense que personne ne va prier sur lui, alors on fait salatul ra'ib. Et dans un hadith, on fait ses éloges et on dit on ne cesse de voir la lumière de sa tombe. Et il a une histoire comment il est arrivé au pouvoir. Il était un enfant parmi une grande fratrie. Il avait plusieurs frères. Et il était le plus intelligent et le préféré. Son père gouvernait. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Il avait un oncle, ils avaient des enfants. Ils ont voulu que le gouverneur ne soit pas lui par la suite. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ça vous rappelle l'histoire de Youssouf alayhi salam? On a déjà raconté. Ils ont fait la même chose. Ils ont fait la même chose. Et ils ont pris un savant. Ils l'ont amené. Ils l'ont vendu en tant qu'esclave. Ils l'ont vendu en tant qu'esclave. Donc Al-Najashi, le futur Najashi. Que s'est-il passé? Le roi est décédé. Alors on est venu voir les enfants. Que s'est-il passé? Tous les enfants étaient bêtes. Il n'y avait pas un apte à gouverner. Naam, on a dit peut-être lui, ils étaient tous balides. Ils étaient tous simples. Naam, ils étaient tous simples, pas un intelligent. Ils ont dit comment on va faire? Ils ont regardé un, deux, personne capable. Ils ont dit, seule solution c'est qui? Ashab. Regarde quand Allah subhanahu wa ta'ala veut une chose, Allahu Akbar. Et ils sont repartis. Et ils ont recherché le commerçant. Et ils ont pris Ashab, ils l'ont ramené quand, après le décès de du père, ils l'ont assis sur le trône, ils lui ont mis la couronne et ils lui ont dit Al-Najashi. Hein? Le problème c'est quoi? C'est qu'ils n'ont pas rendu l'argent au commerçant qui avait acheté sa propre personne. Donc plus tard, ce commerçant est revenu et il s'est plaint à qui? Hein? Il s'est plaint à Ashama ou bien à Al-Najashi? Il s'est plaint à Al-Najashi, c'est pas Ashama pour lui. Il s'est plaint à Al-Najashi, c'est-à-dire au roi, au gouverneur. Il s'est plaint de lui pour qui? Pour Ashama. Donc il parle à Al-Najashi en se plaignant pour quoi? Pour qui? Pour lui-même. C'est la première qadiya qu'il allait juger. Et voilà, on va voir comment elle était juste. Il lui dit, j'ai acheté un jeune homme et ils sont venus me le reprendre et ils ne m'ont pas rendu son argent. Al-Najashi a jugé cette qadiya. Savez-vous ce qu'il a dit? Alors qu'il s'agit de lui. Il a dit, soit vous lui rendez son argent, soit il repart immédiatement avec le jeune homme. S'il décide de repartir avec le jeune homme, il repart avec qui? Avec lui-même. Na'am, walaw ala anfusikum. Vous devez être juste même contre votre propre personne. Enfin, c'est l'islam qui nous enjoint cela. Donc, ils ont eu peur de cela, ils l'ont rendu ce haqq. Et quand on a voulu dédommager Al-Najashi, il a refusé. Il a refusé, il a dit, je ne prends pas Rishwa. Vous savez c'est quoi Rishwa? C'est les pots de vin. Cette calamité qui a touché beaucoup de personnes et beaucoup de pays. Rishwa, c'est le fait de donner des pots de vin pour outrepasser un droit qui ne te revient pas de droit. Par exemple, tu vas avoir un poste et d'autres veulent avoir ce poste. Tu rajoutes de l'argent pour qu'on t'accorde ce poste à toi. Non, pour qu'on t'accorde ce poste à toi. Vous êtes quatre et vous postulez pour un appartement. La personne, elle rajoute 1000 euros, ou 2000 euros, ou 3000 euros. Pourquoi? Pour avoir lui l'appartement, alors qu'il n'est pas plus apte à l'avoir que les autres. Non, voilà, haram. Voilà, haram. Donc, lorsque son père est décédé, il a été assassiné. Il s'est passé ce que vous avez entendu. Il avait 12 garçons. 12 enfants, 12 garçons, j'ai oublié. Et Ashama, il était très proche de son oncle. Toujours lorsqu'un enfant a le meilleur comportement, c'est lui le plus proche des parents, c'est lui le plus proche, des oncles, et ainsi de suite. Et ils l'ont vendu pour combien? 600 ou 700 dirhams. 600 ou 700 dirhams. Voilà, j'ai résumé le résumé du résumé. Lorsque cette information est parvenue à Quraysh, ils ont envoyé certains nobles parmi eux pour restituer les sahaba, pour les faire revenir. Ils ont eu peur qu'en restant à Al-Habasha, ils vont devenir forts, ils vont pouvoir adorer Allah, et des gens vont embrasser l'islam, et cet islam-là va s'élargir et s'étendre jusqu'à ce que Quraysh, jusqu'à plutôt que Mecca devienne terre d'islam. Et comme on l'a vu aujourd'hui dans la khutba, tu peux faire toutes les causes. Tu peux faire tout pour te préserver d'une chose. Mais si Allah Azza wa Jalla l'a décrété, elle est inéluctable. Personne ne peut la repousser. Pharaon a tout fait pour tuer Moussa. C'est lui qui l'a élevé. Il a dormi dans son tissu. Il a mangé sa nourriture et il a bu de son eau. Et ici, on voit que les frères de Asham ont tout fait pour le faire sortir. Et au final, ceux qui ont mis la couronne sur la tête. Donc, il ne faut pas trouver le temps long. Il ne faut pas trouver le temps long. Il faut placer sa confiance en Allah, faire dua, jusqu'à ce qu'Allah Azza wa Jal et Ani fasse disparaître le mal et subsister ou rester al-haq. Donc Abdullah ibn Amr ibn As est parti. Et il les a rejoints et ils avaient mis en place un stratège. C'est qu'ils allaient apporter beaucoup de cadeaux, des pots pour un mada d'animal qui était prisé à l'époque et des décorations, des choses de Mecca qu'aimaient beaucoup les gens de l'Habasha, en l'occurrence Al-Najash. Donc ils ont pris plein de richesses et se sont rendus à Al-Habasha. Et ils se sont mis d'accord pour donner ça aux proches de Najashi et aux gens de l'aristocratie et ses assises, avant même de parler à Najashi. Ils leur ont donné, puis ils leur ont dit, lorsqu'on va parler, à qui essayer de nous dire? Pourquoi est-ce qu'ils leur ont donné? Pourquoi est-ce qu'en islam, le juge n'a pas le droit d'accepter les cadeaux? Pourquoi est-ce qu'en islam, l'enseignant n'a pas le droit d'accepter les cadeaux? Pour pas qu'il soit soudoyé. Parce qu'au moment de mettre la note, au moment de rentrer de valider ou pas le diplôme, ben les cadeaux, ça a un effet sur le cœur. C'est pour ça que certains parmi les anciens n'acceptaient pas les cadeaux d'Ahlul Bid'ah. Subhanallah. Parce que le cœur éponge vers celui qui te fait des cadeaux. Là. Donc, ils leur ont fait ces cadeaux. Et au moment de parler, ils sont partis voir Najashi et ils m'ont dit, des jeunes parmi, des jeunes idiots ayant un mauvais comportement parmi les gens de notre peuple, ce sont les gens de notre famille, se sont sauvés de nous, ils sont sortis de notre religion et ne sont pas entrés dans la tienne. Permets-nous de rentrer avec eux. Et allez, débarrasse-toi d'eux et on rentre nous avec eux. Najashi a dit, si c'est comme vous le dites et ils sont mauvais en ce futur, il n'y aura pas de problème, mais je veux les entendre avant. Et ça montre encore sa justice. Eux ont essayé de le convaincre pour qu'il refuse. Et il s'est mis en colère. Et a rappelé son passé. Et a rappelé qu'Allah Azza wa Jalla l'a sauvé par cette droiture. Le hadith est un peu long et il y a beaucoup de leçons. Inch'Allah ta'ala, la semaine prochaine, on entrera directement dans le vif du sujet. Et on finira Al-Hijra, puis on rentrera dans l'histoire de la conversion de l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Hamza, et proche de cela d'un autre compagnon encore meilleur que Hamza radiallahu anhi sahabati ajma'in wa sallillahumma wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما تعلمنا وزدنا علما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف أمة حسين. اللهم اشف أم حسين واشفي أحمد يا رب العالمين واشفي مرضانا رضا المسلمين. والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.